briller comme un fœtus cimenté. Au barreau plus berceau de l'homme bête, de la femme anima. À quatre pattes, à reculons, fleur, sexe, cerveau, comme un engorgement égorgé, le nœud collant, coulant, à couler. Es-tu vivante, morte, mon amour? Es-tu vivante, morte, mon amour? De ce que tu es, tu peux jouir impunément de toi seul, seul. Oui, si tu m'invites comme un angle, le petit doigt en l'air, je viendrai m'éterniser l'idéal. Si tu m'invites, je te marcherai sur les pieds pour ne pas parler les yeux baissés. À boire le thé pour ne pas se voir, je te regarderai jouir les plaisirs cachés, éjaculant dans de noirs tiroirs fermés à clé. Si tu m'invites à ne pas se voir, je te regarderai nous voir mourir. Je te regarderai nous voir mourir.